Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 64. De la cause des sacrements. Dieu est la première cause des sacrements, le ministre, la cause secondaire ou instrumentale, institution divine des sacrements, puissance de Jésus-Christ, comme Dieu et comme homme, dans les sacrements, quelle puissance le Sauveur aurait pu communiquer à ses ministres? Validité des sacrements conférés par de mauvais ministres, péché de ses ministres, des sacrements administrés par les anges, de l'intention, de la foi, si la droiture d'intention est nécessaire. 1. Dieu seul opère-t-il intérieurement pour produire l'effet d'un sacrement? L'apôtre dit, c'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33. On produit un effet comme agent principal ou comme instrument. Comme agent principal, Dieu seul produit l'effet intérieur des sacrements, lui seul pénètre dans les âmes, et la grâce vient de lui seul. Comme instrument, l'homme y contribue, en qualité de ministre, mais cet effet n'en provient pas moins de l'agent principal, qui est Dieu. Note. Si Dieu, dira quelqu'un, prête une oreille plus favorable à la prière des justes qu'à celle des autres hommes, un saint ministre coopère nécessairement plus qu'un mauvais à la production de l'effet intérieur d'un sacrement, et dès lors Dieu ne le produit pas seul. Les prières que le ministre récite dans l'administration d'un sacrement, il les adresse à Dieu, au nom de toute l'Église, qui est toujours digne d'être exaucée, et non aux siens propres. Rien ne s'oppose toutefois à ce que sa dévotion contribue à leur résultat. Mais les effets propres du sacrement ne proviennent, ni des prières de l'Église, ni de la dévotion du ministre. Ils sont le fruit des mérites de la passion du Christ, qui opère dans tous les sacrements, et c'est pour cela qu'ils ne sont pas plus abondants lorsque le ministre est meilleur. La dévotion de celui-ci obtiendra peut-être à celui qui reçoit le sacrement des grâces qui s'y rattacheront, mais ces grâces, il ne les produira pas de lui-même, il obtiendra seulement que Dieu les accorde. Fin de la note. 2. Les sacrements sont-ils tous d'institution divine? De Dieu seul vient la vertu des sacrements, lui seul, conséquemment, a pu les instituer. Note. Les rites absolument nécessaires pour la validité des sacrements ont été établis par Jésus-Christ. Tous ne sont pas mentionnés dans les livres saints, mais l'Église les tient de la tradition apostolique. Par cette parole de saint Paul, je réglerai tout le reste lorsque je serai arrivé. 1 Corinthiens 11, 34. On voit que beaucoup de choses n'ont pas été écrites. Les apôtres et leurs successeurs ne sont que les vicaires de Jésus-Christ dans le gouvernement de l'Église, fondé sur la foi et sur les sacrements. Comme ils n'ont pas eu le droit d'établir une autre Église, ils n'ont pas non plus celui de changer la foi ni d'instituer d'autres sacrements. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il eu, comme homme, la puissance de produire l'effet intérieur des sacrements? Jésus-Christ produit l'effet intérieur des sacrements comme Dieu et comme homme, mais d'une manière différente. En tant que Dieu, il opère dans les sacrements par son autorité propre. En tant qu'homme, il en produit les effets intérieurs par voie de mérite et de cause efficiente, non pas principale, mais instrumentale, en ce sens que son humanité sert d'instrument à sa divinité. Il faut observer, toutefois, que sa nature humaine, unie immédiatement à sa personne divine, conserve toujours la supériorité et la causalité à l'égard des autres instruments extrinsèques, qui sont les ministres de l'Église. De même donc que le Christ, en tant qu'il est Dieu, a la puissance d'autorité dans les sacrements, il y possède, comme homme, la puissance du ministère principal, car premièrement sa passion y fait découler ses mérites, deuxièmement ils sont consacrés en son nom, troisièmement lui-même leur a donné leur vertu, quatrièmement il peut en produire les effets intérieurs sans les signes extérieurs. 4. Jésus-Christ a-t-il pu communiquer à ses ministres toute sa puissance à l'égard des sacrements? Le Christ ne pouvait communiquer à personne la puissance d'autorité qui lui appartenait en tant qu'il est Dieu, l'essence divine est incommunicable, mais il aurait pu transmettre à ses ministres toute la puissance ministérielle supérieure qu'il possédait comme homme, en leur accordant une grâce assez étendue, pour qu'à leur seule volonté ou à l'invocation de leur nom, l'effet intérieur se produisit sans le rite sacramentel. Note. Il ne l'a pas communiqué pour le bien des fidèles, qui eussent peut-être mis leur espérance dans un homme, comme du temps des apôtres, où l'on disait, « Moi, je suis avec Paul, moi avec Apollo, moi avec Céphas. » 1 Corinthiens 1, 12. Fin de la note. 5. Les mauvais ministres confèrent-ils validement les sacrements? Si le ministre est mauvais, disait saint Augustin, que vous importe, puisque le Seigneur est bon. Les ministres de l'Église agissent en vertu de la puissance supérieure qui les fait mouvoir, ils sont des instruments dans l'administration des sacrements. Or, dans un instrument, il se rencontre parfois quelque chose d'accidentel en dehors de ce qu'exige sa nature. Que, le corps d'un médecin, pour nous servir d'une comparaison, soit sain ou malade, il peut également être l'instrument de l'âme qui possède l'art de guérir. Un tuyau peut très bien être d'argent ou de plomb, et servir dans les deux cas à conduire de l'eau. Il en est ainsi des ministres de l'Église. Mauvais ou bon, ils confèrent validement les sacrements. 6. Les mauvais ministres pêchent-ils en conférant les sacrements? Ils sont bien téméraires, disait saint Denis, les ministres qui remplissent sans crainte et sans honte une fonction divine en dehors de la divinité. Pensent-ils que Dieu ignore ce qu'ils connaissent eux-mêmes? Croient-ils le tromper en l'appelant leur Père? Comment osent-ils prononcer, au nom même de Jésus-Christ, sur les signes divins? Je ne dirai pas des prières, mais d'infâmes et impures paroles. Il faut que les ministres des sacrements soient saints, conformément à cette parole, « Vous serez saints, parce que je suis saint », Lévitique 19:2, et à cet autre encore, « Tel est le juge du peuple, tels doivent être ses ministres », Ecclésiastique 10:2. Cela étant, les méchants qui remplissent les fonctions de ministres de Dieu et de l'Église dans la dispensation des sacrements, commettent une irrévérence et une profanation des choses saintes. Ce péché est mortel de son genre. Note. Quoi qu'il en soit, du moment que l'Église permet qu'un prêtre exerce les fonctions du ministère, les fidèles qui reçoivent de lui les sacrements ne participent point à son péché, ils communiquent uniquement avec l'Église, qui le présente comme son ministre. Il en est autrement, lorsque l'Église, ne le tolérant plus, le dégrade, l'excommunie ou le suspend. Il faut le remarquer en passant, le ministre qui est en état de péché mortel n'est pas dans la nécessité de faire un nouveau péché, quand, par devoir, il est obligé de dispenser les sacrements, il peut faire pénitence de son péché, et les conférer ensuite licitement. Nous dirons même que s'il s'agissait de conférer le baptême dans un cas de nécessité où un laïc pourrait baptiser, le prêtre ne pécherait point en l'administrant, quoiqu'il voulût demeurer dans son péché, il porterait simplement secours à un homme qui en aurait un extrême besoin, sans agir en vertu de son titre particulier de ministre de l'Église. Fin de la note. 7. Les anges peuvent-ils administrer les sacrements? Saint Paul dit, « Tout pontife pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui est de Dieu. » Hébreux 5, 1. Les anges, bons ou mauvais, n'étant pas tirés du milieu des hommes, ne sont pas les ministres de Dieu en ce qui concerne les sacrements. La vertu des sacrements découle de la passion de Jésus-Christ, qui a souffert comme homme. Or les hommes lui ressemblent selon la nature, et cela n'est pas vrai des anges. C'est la raison pour laquelle la fonction de ministre dans la dispensation des sacrements appartient aux hommes et non aux anges. Ce n'est pas à dire, néanmoins, que Dieu, qui n'a pas attaché la vertu divine aux sacrements de telle sorte qu'il n'en puisse produire les effets sans y recourir, et enchaîner sa puissance à la personne des ministres de l'Église de manière à ne pouvoir plus communiquer aux anges la puissance d'administrer les sacrements. Si les bons anges, célestes messagers de la vérité, remplissaient un ministère sacramentel, le sacrement qu'ils conféreraient devrait être estimé valide. 8. L'intention du ministre est-elle requise pour la validité des sacrements? Les choses qui arrivent sans intention sont fortuites, telle ne doit pas être l'opération sacramentelle, l'intention du ministre est donc requise pour les sacrements. Et en effet, si une chose se rapporte à plusieurs usages et qu'il y en ait un de prescrit, elle doit y être appliquée d'une manière déterminée. Or les actions usitées dans les sacrements peuvent avoir lieu pour plusieurs fins. L'ablution de l'eau, par exemple, se fait pour purifier le corps, entretenir la santé ou servir d'amusement. Il faut donc que, dans le baptême, elle soit rapportée par le ministre à une fin spéciale, qui est de produire un effet sacramentel. Ce qui exprime cette intention, ce sont les paroles qu'il prononce, par exemple, lorsqu'il dit « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Note. Le ministre doit avoir l'intention de faire ce que font le Christ et l'Église. Plusieurs disent que si l'intention exigée de la part du ministre fait défaut, elle est suppléée chez les enfants par Jésus-Christ, qui baptisent intérieurement, chez les adultes, par leur foi et par leur dévotion. Cette opinion serait assez fondée, s'il ne s'agissait que du dernier effet du baptême, qui est la justification, mais elle ne l'est pas pour ce qui est du caractère que le sacrement seul peut imprimer. D'autres disent, avec plus de raison, que le ministre d'un sacrement représente l'Église, dont l'intention, exprimée par les paroles qu'il prononce, suffit pour que le sacrement soit valide, à moins qu'une intention contraire ne soit manifestée par lui ou par le sujet qui reçoit le sacrement. Si le ministre, qui ne pense point à ce qu'il fait, n'a pas l'intention actuelle, il peut néanmoins avoir l'intention habituelle, c'est-à-dire virtuelle, qui suffit à la validité du sacrement. Quand un prêtre, par exemple, se présente pour baptiser avec l'intention de faire à l'égard d'un enfant ce que fait l'Église, et qu'ensuite, dans l'acte même, sa pensée s'échappe ailleurs, le sacrement n'en est pas moins valide, en vertu de l'intention première. Sans doute, les ministres doivent faire tous leurs efforts pour avoir l'intention actuelle, mais elle n'est pas entièrement au pouvoir de l'homme, Au moment où nous voulons appliquer fortement notre esprit à une chose, un objet étranger s'en empare, ce que le psalmiste exprimait très bien par cette parole, « Mon cœur m'a abandonné ». Psaume 39, 13. Fin de la note. 9. La foi du ministre est-elle nécessaire à la validité des sacrements? De même que les ministres qui n'ont pas la charité peuvent administrer validement les sacrements, ceux qui n'ont pas la foi le peuvent aussi. Un infidèle les confère, pourvu qu'ils remplissent toutes les autres conditions nécessaires. Note. Le ministre, malgré son défaut de foi, peut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église, et cette intention, bien qu'il n'y attache aucune valeur, suffit pour la validité des sacrements. Il agit en qualité de représentant de toute l'Église, dont la foi vient suppléer à la sienne. Les hérétiques qui n'observent pas la forme prescrite par l'Église, ne confèrent ni les sacrements, ni la chose des sacrements. Quant à ceux qui l'observent, ils confèrent les sacrements, mais non la chose des sacrements, lorsqu'ils sont des hérétiques que l'Église a manifestement retranchés de son sein. Le péché que commet celui qui leur demande les sacrements, l'empêche de recevoir la justification. Saint Cyprien pensait qu'aucun hérétique ne pouvait conférer un sacrement, son opinion n'a pas été suivie. Dans le martyre qu'il a enduré, disait très bien Saint Augustin, la lumière de sa charité a effacé cette ombre. Le pouvoir sacramentel étant attaché au caractère spirituel, qui est indélébile, l'Église, lorsqu'elle suspend, excommunie ou même dégrade l'un de ses ministres, ne lui enlève pas la puissance de conférer les sacrements, elle le prive seulement de l'usage légitime de ce pouvoir. Il les confère validement, mais il pèche dans cette action. Le fidèle qui les lui demande, pèche également et n'en reçoit pas l'effet, à moins que son ignorance ne l'excuse. Fin de la note. 10. Est-il nécessaire pour la validité des sacrements que le ministre ait une intention droite? L'intention d'un ministre peut être pervertie de deux manières, premièrement en ce qui regarde le sacrement, ce qui a lieu, quand on a l'intention de le simuler par dérision et non de le conférer. Cette perversité, surtout si elle est manifestée au dehors, empêche la vérité du sacrement. Deuxièmement, relativement à ce qui suit le sacrement, par exemple, si un prêtre se proposait de consacrer le corps de Jésus-Christ dans le but de s'en servir pour des maléfices. La réalité d'un premier effet ne dépendant pas de l'effet postérieur, cette seconde espèce de perversité, bien qu'elle rende le ministre très coupable, ne serait pas opposée à la réalité du sacrement. Note. L'intention d'agir par jeu ou par dérision exclut l'intention nécessaire à la validité des sacrements. L'intention relative à ce qui les suit corrompt l'action propre du ministre, mais non l'œuvre même de Jésus-Christ. Un serviteur qui distribue avec une mauvaise intention les aumônes que son maître lui a confiées avec droiture, ne vicie pas l'œuvre de son maître. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.